Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le ministère des affaires islamiques, des waqf, de la prédication et du guide, au royaume d'Arabie Saoudite, représenté par les délégués responsables de l'imprimerie et de la publication, centre de diffusion, a le plaisir de vous dédier le contenu de ce volume intitulé « Et-Tawhid » du Cheikh Mohammed Abdelwahed. Dans ce programme, nous allons vous parler du Tawhid, de sa signification et des citations dans le Coran, ainsi que des punitions infligées à ceux qui immolent au nom d'un autre que Dieu. Nous allons répondre à ces questions et à d'autres et apprendre bien plus à travers cette cassette. Que veut-on dire par « al-tawhid » ? Allah Ta'ala a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » et le Coran, sourate 1, verset 56. Et très certainement, nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Dieu et d'écarter le rebelle, sourate 16, verset 36. Et voilà que ton Seigneur a décrété que tu dois n'adorer que lui et faire preuve de bonté envers tes parents. Sourate 17, verset 23. Adorez Dieu et ne lui donnez quelque associé que ce soit. Sourate 4, verset 36. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci, ne lui associez quoi que ce soit. Sourate 6, verset de 51 à 53. Ibn Mas'ud a dit, quiconque se propose de vérifier le testament du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un testament sur lequel le prophète a opposé son sceau, qui lit ces mots d'Allah. Je cite, « Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci ne lui associe quoi que ce soit. Voilà ce qu'il enjoint. » Mu'adh ibn Jabal raconta, « Je montais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit, « Ô Mourad, sais-tu ce que les créatures d'Allah lui doivent et ce qui leur est dû ?» Je répondis, d'Allah et son prophète savent mieux. Il continua, ce que les créatures d'Allah lui doivent, c'est de ne jamais associer qui que ce soit avec lui. Ce qui leur est dû, c'est de ne punir aucune personne qui ne lui associe un autre. Je dis, ô prophète d'Allah, est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il répliqua, non, ne leur dis rien, de peur qu'ils comptent sur la promesse et manquent à leur devoir envers nous. Ce hadith est mentionné dans deux sahihs. Le service à Allah consiste en le tawhid, car à l'opposé du tawhid, c'est-à-dire l'associationnisme ou le polythéisme, se trouve l'aliénation d'Allah. Quels sont les péchés qu'expient les vertus du tawhid ? Allah Ta'ala dit, ceux qui ont cru et n'ont point revêtu de prévarication pour leur foi. Ubadah ibn al-Samit raconta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je cite, quiconque reconnaît qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, sans s'associer que Mohammed est son serviteur et apôtre, que Aïssa, Jésus, est le serviteur d'Allah, son apôtre, son empire sur Marie et son esprit, que le paradis et l'enfer existent, Allah lui donnera en retour une place au paradis. Ce hadith a été rapporté dans les deux sahihs qui ont aussi enregistré le récit de Ibn selon lequel le prophète a dit « Allah ne permettra à quiconque qui témoigne, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Nous recherchons ainsi que le visage d'Allah d'être soigné et consigné en enfer. » Pourquoi dit-on que ceux qui pratiquent le tawhid entrent au paradis sans calcul ? Allah Ta'ala dit, Ibrahim, c'était tout un peuple, oui, dévoué à Dieu en sincérité. Il n'était point de ces faiseurs de Dieu. Sourate 16, verset 120. Ceux qui s'associeront à leur Seigneur. Hussein ibn Abdelrahman rapporta un jour, « J'étais chez Saïd ibn Jaber et j'entendis le prophète demander, « Qui a vu l'étoile filante hier ?» Je répondis, « Moi !» et expliquai que je n'étais pas à la prière. Ayant été piqué, il dit, « Qu'as-tu fait alors ?» Je répondis, « J'ai recherché des moyens spirituels de le guérir. » Il dit, « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Je dis un récit que j'entendis d'El-Shabi qu'il raconta au nom de Buraïda ibn el-Husayl qui dit « Pas de Hogaï ou de recours à la guérison par des moyens spirituels, sauf en cas de guérison de la jalousie ou de la piqûre du scorpion. » Il dit « Tu as bien fait d'acquérir cette connaissance. » Toutefois, Ibn Abbas rapporta « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les nations me furent présentées et je vis les prophètes se succéder l'un avec une grande foule, l'autre avec deux ou trois personnes, et un tout seul. Apparut ensuite une grande multitude de gens que je prie pour mon peuple, mais on me dit que c'était les gens de Musa. Plus tard, une plus grande multitude apparut, et on me dit que cela était mes gens. Parmi eux se trouvaient 70 000 qui entreraient au paradis sans calcul et sans punition. Le prophète prit ensuite la direction de sa chambre et les gens se demandèrent desquels d'entre eux seraient en compagnie du prophète ce jour-là. Certains dirent, ils seront peut-être les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres supposèrent que ce seraient ceux qui étaient nés en islam et qui n'ont donc jamais associé quoi que ce soit à Allah. Le prophète retourna et les trouva encore à essayer de deviner. Ils lui demandèrent l'identité de ces personnes-là et il dit, ce sont ceux qui ne recherchent pas de remède spirituel pour les maux physiques, qui ne font pas de cautérisation, ne croient pas aux augures, mais dépendent entièrement de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par El-Shirk ? Allah, qu'il soit loué et glorifié, dit « Non, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. En deçà, il pardonne à qui il veut. » Sourate 4, versets 48 et 116. El-Khalil, radiallahu anhu, dit « Oh Allah, éloigne-moi avec mes enfants de l'adoration des idoles. » Dans le hadith, nous lisons « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le moindre shirk. » Quand on lui demande ce que c'était, le prophète répondit « L'hypocrisie ». Dans le Sahih al-Bukhari, nous lisons que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, reporta le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui rencontre Allah le jour du jugement sans lui avoir associé qui que ce soit, ira au paradis. Et celui qui le rencontre avant, fit le contraire, sera consigné en enfer. » Quels sont les devoirs des musulmans envers Dieu ? Allah Ta'ala a dit « Dis, ô Muhammad, voici mon sentier, j'appelle à Dieu. » Sourate 12, verset 108. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporta « Quand le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Mu'ad à El-Yaman, il lui recommanda, quand tu rencontreras les gens du livre, que ta première action soit de leur demander de témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, selon un autre récit, de leur demander de réaliser l'unicité d'Allah. S'ils t'obéissent, informez qu'Allah leur a imposé le salat 5 fois par jour. S'ils t'obéissent en cela, alors informez qu'Allah leur a imposé le devoir de la charité qui doit être perçue des riches pour être distribuée aux pauvres. S'ils t'obéissent en cela, ne touche pas à leur autre bien et occupe-toi de la plainte et l'opprimé, car il n'y a aucun obstacle dans son accès à Allah. rapporté dans les Sahih al-Bukhari et Muslim. Pouvez-vous nous donner une explication plus précise sur le Tawhid? Allah Ta'ala a dit, ceux qu'ils invoquent cherchant auprès de leur Seigneur un moyen à qui sera le plus rapproche, et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple, oui, je désavoue, tout ce que vous adorez n'est pas celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui va me guider. Ils, les chrétiens, ont pris leurs docteurs et leurs moines pour des seigneurs en dehors de Dieu. Et il est des gens qui adoptent en dehors de Dieu des rivaux, les aimant comme d'un amour de Dieu. Dans le Sahih, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui affirme qu'il n'y a d'autre lieu qu'Allah, qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah. » Les versets du sourate Al-Baqarah interprètent également le témoignage du Tawhid. Allah yati des mécréants, et ce n'est point eux qui sortiront du feu, car ils aiment leur associé autant qu'ils aiment Allah. Sourate 2, verset 167. Ainsi, en dépit de leur grand amour pour Allah, ils n'étaient pas considérés comme des musulmans. D'autre part, ceux qui aiment leur associé plus qu'Allah, et ceux qui aiment seulement l'associé, sont condamnables à fortiori. Finalement, la déclaration du prophète, celui qui affirme qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, Allah, et qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah. Contient aussi une explication les plus claires du témoignage. Il n'y a autre Dieu qu'Allah. Quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le port de la robe du soufi ou d'une chaîne pour prévenir ou guérir une affliction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme portant une chaîne en cuivre jaune. Quand il lui en demanda la raison, l'homme répondit qu'il en avait besoin pour surmonter la faiblesse de l'âge. Le prophète lui ordonna de l'enlever en disant « Elle ne peut qu'ajouter à ta faiblesse. » Si la mort d'enlever alors que tu la portes, tu n'y réussiras jamais. Que nous dit le prophète d'Allah sur la théurgie? Les talismans et l'ensorcellement. La théurgie, les talismans et l'ensorcellement sont des exemples du shirk. Celui qui porte un talisman sera laissé aux soins de ce talisman. Pourquoi les nouveaux convertis mécois demandèrent-ils au prophète de chasser un arbre saint? Ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et leur armure, comme ils le faisaient avant leur conversion à l'islam. Que leur intention était de rapprocher Allah, qui pensait-il aimer de telles actions de leur part? Quelle est la sanction infligée à ceux qui immolent au nom d'un autre que Dieu? Deux hommes passèrent à côté d'un peuple qui possédait une idole et pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne, cherchant à traverser leur territoire. Quand le premier objecta, disant qu'il n'avait rien à présenter en guise de sacrifice à l'idole, le peuple lui dit qu'il avait à sacrifier quelque chose, même si c'était quelques mouches. Il captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le laissa passer. L'homme fut consigné à l'enfer. Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il retorqua qu'il ne sacrifierait qu'à Allah. Ils le tuèrent et celui-ci alla au paradis. Est-ce qu'un sacrifice au nom d'Allah peut se dérouler en un lieu où le sacrifice est pratiqué sous un autre nom? L'illégitimité d'accomplir un vœu là où il y a eu une idole. L'illégitimité d'accomplir un vœu là où les mécréants ont tenu une célébration, même si la pratique n'existe plus. Les vœux peuvent-ils être faits à quiconque autre qu'Allah? S'il est absolument certain que l'accomplissement d'un vœu est un hommage à Allah, ne pas l'accomplir équivaut au shirk. Il n'est pas permis d'accomplir un vœu impliquant la désobéissance à Allah. Pourquoi chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah et shirk? Ceci n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne te profite ni te nuit. Sourate 10, verset 106. Faire cela est le plus grand shirk. Faire cela même par le plus pieux et pour les raisons totalement désintéressées est une mauvaise action. On ne doit jamais adresser ses prières pour la vie ou pour le paradis à quelqu'un d'autre qu'Allah. Invoquer quelqu'un, c'est une façon de l'adorer. Quelle est l'explication du verset suivant? Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont pas même maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Et à quelle occasion a-t-il été révélé? L'histoire d'Uhud, la bataille qui eut lieu dans la troisième année de l'Hégire après la montagne d'Uhud hors de Médine entre les musulmans et les Mécois, ayant été battue dans l'affrontement à Badr, les Mécois s'étaient préparés à livrer Padayou musulmans et à se venger. La façon dont le prophète avait placé ses archers sur la montagne empêcha la flotte cavalerie mécoise de joindre ses soldats qui étaient à pied et qui furent battus par une armée musulmane prépondérante. Pendant que la bataille était terminée, les archers descendirent jusqu'à la plaine et permirent ainsi à la cavalerie mécoise de les attaquer de derrière. Les musulmans furent vaincus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Néanmoins, les Mécois ne continuèrent pas sur leur lancée et se retirent. La bataille d'Uhud fut un coup dur au moral des musulmans. Qui a prononcé ces paroles? Il disait la vérité, il est le haut, le grand. Et comment la parole d'Allah est-elle révélée à l'homme? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quand Allah veut révéler quelque chose à l'homme, il prononce les paroles qui doivent être révélées, alors les cieux se mettent à trembler fort de peur devant lui. Qu'il soit loué et glorifié. Quand les paroles de Dieu parviennent aux habitants du paradis, ils sont pris au dépourvu et ils se prosternent. Le premier à se révéler est l'ange Jibril, qu'Allah chargé de transmettre la révélation. Jibril passait alors à côté des autres anges dans les différents cieux, et à chaque station, on lui demande « Qu'est-ce que notre Seigneur disait ?» Il répond « Il disait la vérité, il est le haut, le grand, et tous répètent cela après lui. » Ensuite, Jibril s'avance vers la place qu'Allah, le haut, lui a destinée. qui bénéficiera de l'intercession du prophète? Abu Huraira radiallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la personne qui aura la chance de bénéficier de ton intercession? Le prophète répliqua: celui qui affirmait qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah en tout. À quelle occasion ce verset a-t-il été révélé? Non, tu, Mohammed, ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour son Abd al-Muttalib, pardon, mais qu'Allah a rejeté cette prière et a défendu au prophète de la répéter. Le mal que les gens malveillants peuvent apporter à quelqu'un, le mal qu'il y a dans l'agrandissement des leaders et les ancêtres. La fausseté de prétendre le contraire, par exemple l'argument d'Abu Jahl. La preuve que valeur des actions résidait dans leur finalité, si Abu Talib avait témoigné comme le prophète lui avait demandé, il aurait été sauvé. Comment l'exagération de la valeur du juste peut-elle mener à l'incroyance? Plusieurs des ancêtres fussent morts, leurs statues furent érigées sur les tombes, et plus tard on vénéra celles-ci comme des dieux. Omar rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne m'agrandissez pas comme les chrétiens ont agrandi le fils de Maryam. Je ne suis qu'une créature. Appelez-moi créature de Dieu, son serviteur et messager. Il ajouta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla: n'exagérez pas en matière de religion. Vos prédécesseurs ont péri en raison de leur exagération. Que nous dit le prophète concernant ceux qui invoquent Dieu auprès de la tombe du juste? Dans le Sahih, d'Umm Salma rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé d'un malheur, il se couvrait le visage d'un tissu noir jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus respirer. Ensuite, le mettant de côté, il disait: « Qu'ils soient maudits, ces juifs et ces chrétiens qui ont pris pour lieu de prière la tombe de leur prophète. » Quelle est la sanction de ceux qui considèrent les tombes des saints comme objets d'adoration? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ô Seigneur, faites que ma tombée ne devienne jamais un objet d'adoration. La colère d'Allah est destinée à ceux qui prennent la tombe de leurs saints pour des mosquées. Le prophète qu'a-t-il dit pour barrer la route au shirk? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne construisez pas des tombes à proximité de votre maison. Ne faites pas d'une tombe un lieu de célébration. Priez Allah pour moi. Vos prières m'atteindront où que vous soyez. Abu Daoud enregistra ce hadith avec un isnad ferme, comme firent beaucoup d'autres collectionneurs de hadith dignes de confiance. On rapporte dans il Mukhtar que Ali ibn al-Hussein radiallahu anhu vit un homme se tenir et prier dans un coin de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains membres de l'Oma veulent-ils prendre des idoles? L'apparition très surprenante d'un prétendant à la prophétie, notamment El-Mukhtar, qui prononce aussi le détémoignage, affirmé qu'il appartient à cette Umma qui reconnaît l'authenticité du prophète et du Coran. Le Coran, il faut se rappeler, affirme en effet que Mohammed est le dernier prophète, étant en fait qu'on ait pu croire en un prophète aussi perfide, malgré ses contradictions, que El-Mukhtar était ce prophète perfide qui est apparu à la fin de l'époque des compagnons et fut suivi par de grands nombres de personnes. Quels sont les sept péchés graves interdits par l'islam? Abu Huraira radiallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: évitez les sept péchés graves. Quand on lui demanda quels étaient énumérés, il répondit: shirk, la sorcellerie, l'homicide, la destruction de la vie humaine, sauf sous le couvert de la loi, la consommation de l'intérêt, voler des orphelins, la désertion sur le champ de bataille, la fausse accusation des femmes protégées. Jundub raconta le marfou hadith suivant, que rapporta la Tirmidhi: la sanction réservée à la sorcellerie est la peine capitale. Le sahih le mentionna, mais le déclara mawkouf. Quelles sont les diverses formes de sorcellerie? Les deux collectionneurs de Sahih rapportent de Ibn Omar radiallahu anhu que le prophète d'Allah a dit: l'éloquence littéraire peut constituer peut-être si belle qu'elle constitue une forme de sorcellerie. L'astrologie est une forme de sorcellerie. Faire des nœuds et souffler dessus est aussi de la sorcellerie. Faire circuler des fausses rumeurs avec une mauvaise intention est de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence littéraire est aussi de la sorcellerie. Ceux qui visitent les devins et leurs semblables risquent-ils d'être sanctionnés? Celui qui va chez un diseur de bonne aventure et croit ce que celui lui dit aura ses prières rejetées pendant les 40 jours suivants. Celui qui va chez un prêtre, un diseur de vérité, et croit ce que celui-ci lui dit a commis le blasphème et a réuni tout ce qu'a révélé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le nushra et quelles sont les formes permises de la nushra? Ibn al-Qayyim a écrit: el nushra, c'est l'action d'enlever le charme de la magie. Il y en a deux sortes. La première qui est celle de détruire le charme en imposant une autre contre-charme est satanique et donc interdite. La seconde qui est celle du ruqayya, la destruction du charme par l'invocation de véritables pouvoirs spirituels, à travers la récitation des versets du Coran, les préparations pharmaceutiques, aussi bien que les prières convenables, sont permises. Quelle est la sanction de celui qui se détourne de son but par le altégor? Le prophète dit, le témoignage en ces termes: ô Seigneur, il n'y a pas de bien sauf celui que tu nous accordes. Il n'y a pas de mal sauf celui que tu décrètes. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ahmad rapporta également le hadith de Al-Fadl ibn al-Abbas, radiallahu anhu, notamment que une personne est coupable de Al-Tayyira si le jugement de ce dernier l'a movité à continuer ou à s'abstenir. Dans quel but les étoiles ont-elles été créées? Allah a créé les étoiles avec trois buts: comme des ornements pour le ciel, des missiles contre les démons et des signes servant le guide aux voyageurs. Celui qui spécule au-delà de ceci est en train de s'écarter du droit chemin et perd le mérite d'être considéré comme un érudit, car il serait en train de transgresser les limites de sa connaissance propre. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a trois catégories de gens qui n'entreront jamais au paradis. L'alcoolique, celui qui renie les relations de sang et celui qui croit à la sorcellerie. Comment le prophète qualifie-t-il l'ânoua pour rechercher la pluie? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quatre coutumes indésirables persistent encore parmi mon umma depuis les temps pré-islamiques. La fierté que l'on dérive des accomplissements nobles de ses parents, l'attaque des généalogies dites faibles, la recherche de la pluie à travers les étoiles et la lamentation sur les morts. Quelles sont les trois caractéristiques qui garantissent à une personne la béatitude de l'imam? Allah Ta'ala a dit: dis, dis-leur ô Mohamed, si vos pères et vos enfants et vos frères et vos épouses et vos clans et les biens que vous gagnez et le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous agréent vous sont plus chers que Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son commandement et Dieu ne guide pas par les pervers. Le Saint Coran, sourate 9, verset 24. Ces trois caractéristiques sont qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que n'importe qui d'autre, qu'il aime ses semblables, mais seulement à cause d'Allah. Et troisièmement, qu'il déteste le retour à la non-croyance, maintenant qu'Allah lui a sauvé de cela, tout comme il déteste d'être jeté dans le feu. Quelle est la récompense de celui qui recherche la satisfaction d'Allah? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui recherche la satisfaction d'Allah aux dépens du mécontentement des gens, gagnera le plaisir des deux, car Allah fera de sorte que les hommes seront satisfaits de lui. Mais celui qui cherche à faire plaisir aux hommes aux dépens du mécontentement d'Allah ne devra que s'attirer le mécontentement des deux. » Car Allah fera de sorte que les hommes seront aussi mécontents de lui. À quelle occasion ce verset a-t-il été prononcé? Et c'est en Dieu qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyant. Ces mots furent prononcés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'informa que les gens ont mobilisé leur armée contre toi, alors méfie-toi d'eux. Mais ceci ne fit que renforcer leur imam, celui des croyants. Quels sont les péchés graves? On questionna le prophète à propos des péchés graves. Il répondit, les péchés graves sont premièrement associés quoi que ce soit à Allah, se laisser désespérer de la grâce d'Allah, et enfin se permettre de se sentir en sécurité des desseins d'Allah. Abdelrazi rapporta d'Ibn Mus'ad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les péchés les plus graves sont les suivants. Associer quoi que ce soit à Allah, se sentir en sécurité de ses desseins et se laisser désespérer de sa grâce et de son intérêt. » L'explication du verset issu de Surat Al-A'raf, l'explication du verset de Surat Al-Hijr, la condamnation sévère de celui qui se sent hors de la portée d'Allah, la condamnation sévère du désespoir.